Gérard, demain je vais aller à la piscine, je vais certainement prendre un caleçon. Ok, pas de problème. Ouais, je sais, y a pas Ciao. De problème. Bah non, t'en vas pas parce que j'aimerais bien que tu viennes avec moi, c'est pour ça quoi. Non mais il faut que tu continues, c'est pas... Ah d'accord, c'est au pif. Ah d'accord, en fait tu me coupes. Ouais, je coupe. D'accord. Bon, on reprend à zéro, d'accord. Ouais, excuse-moi, je... Voilà, vas-y. Vous avez appris un truc, vous voyez. Ouais, okay. Vas-y, attention, on y va, top. Ouais, Gérard, donc en fait, demain je vais aller à la piscine et je vais certainement prendre un caleçon parce que c'est... Je ne comprends pas ce que tu me dis. Non, je te Articule. Dis... Ouais, bah je te dis que demain je vais certainement aller à la piscine et je vais mettre un caleçon. Oh, enfin bon, c'est pas terrible, hein. Bah ouais, mais bon, c'est toujours mieux qu'un slip parce que t'as l'air... Ouais, je suis pas blaireau, hein. Bah ça, c'est pas évident à dire, mais je te dis, un slip, ça moule et t'as vraiment l'air d'un blaireau aussi. T'as ça, pas c'est... un problème? Bah non, j'ai des grosses burnes, mais c'est pour ça que je mets un caleçon. Si en fait j'ai un problème. Première fois que j'étais en boîte, j'ai gerbé. Ouais, mais demain, on va à la piscine, t'inquiète pas, hein, tu risques pas de gerber, à moins que tu fasses du toboggan ou que tu tombes. Ça te dérange pas de me parler ça comme ça? Bah non, je préfère te le dire franchement, parce que j'aimerais bien que tu viennes avec moi quand même. Ok, pas de problème. C'est cool. Ciao. Ciao. Mais t'as encore 40 secondes, faut que tu sois. Non, mais t'en vas pas, Gérard, il faut que tu viennes ou t'as tu pas autre chose à me dire? Bah si, si tu veux, je te donne de l'argent, comme ça on ira ensemble et puis on... De quoi? Bah, on ira ensemble à la piscine. Faut vraiment que tu fasses un effort, hein, tu sais, hein. Bah, je veux bien t'emmener si tu veux. Moi, je ouais, faudrait juste ça, hein. Ouais, bah, je passe te chercher en caisse et on y va tous les deux. Pas mal. Pour une première, pas mal. Vous avez compris maintenant? Okay. D'accord. Donc, il faut être attentif. C'est qu'en plus, vous êtes au téléphone, donc vous entendez moins bien que nous dans les studios parce qu'on a les bons casques et tout ça. Donc, on va commencer avec Nicolas. Ouais. Nicolas, donc, toi, tu vas à ton premier entretien, t'en parles à Gérard. Le but du jeu est donc de rebondir sur ce qu'il dit. Vraiment, ah ouais, on ouais. peut encore faire plus et que tu repartes dans le sujet, d'accord? Ok, ouais. Ok, on y va, c'est parti, chrono à zéro, top! Ah, salut Gérard, dis-donc, j'avais un truc à te demander. Bon, putain, pourquoi tu dis ça? Bah, c'était parce que je voulais un conseil, quoi. T'as l'habitude de donner des conseils sur Fun, en fait, j'ai un entretien demain pour mon premier. Ah, moi je pense pas que c'est pareil, hein. Bah, si, c'est à peu près pareil entre les conseils que tu donnes à la radio et les conseils que tu pourrais me donner en radio. Ouais, je suis pas en train de te parler du pont de l'Alma, hein. Et je te parle pas du pont de l'Alma non plus, c'est-à-dire que ça dépend par où tu passes, mais j'ai un entretien et... Ah, oh, c'est inadmissible, on est constamment dérangé la nuit. Ah ouais, mais bon, c'est pas la nuit, pour une fois c'est demain matin 11h, mais je sais pas trop comment m'habiller. Bon, pourquoi quoi. Tu dis ça? Bah, parce que j'hésite en fait, j'hésite à savoir comment je dois m'habiller, quoi. Là, tu vois, je suis en short. On a peut-être pensé à faire quelque chose, parce que c'est impossible. C'est pas possible de se présenter en basket avec un short. Oh, t'es un blaireau, toi, hein. Bah ouais, mais bon, je fais ce que je peux, quoi. Enfin, je sais pas si je dois mettre un costard ou si je dois aller en jean, des contrats. Bah, le monde, en ce moment, ça devient lourd dans les magasins. Bah, je sais, j'ai pas trop envie de faire les magasins pour acheter des fringues, je vais faire avec ce que j'aime. Et quel temps que tu me proposes demain, toi? Quel temps que je te propose de... Bien. Alors là, vraiment, je dirais encore un petit peu mieux qu'encore Fiddar. T'as bien joué sur le truc comme les magasins ou complètement au sens de sujet. Tu dis pas, t'es revenu sur les vêtements, je sais bien. Non, c'était pas mal. C'est pas mal, Nicolas. Ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien. Attention, alors maintenant...